moi. Moun ka di ou trop j'aime, girl. Moun ka di ou trop j'aime. Moun ka di ou trop j'aime. Ou la moi, girl. Amour ka vini di tchè, girl. C'est pas la tchè, non. Ça me l'aide moun yo aimé. Y'a pas ni poussé. Y'a pas ni poussé. Y'a pas ni poussé. Moun kadi ou trop jeune, moun kadi ou trop jeune, moun kadi ou trop jeune, moun kadi ou trop jeune, ou la moins, ou la moins, ou la moins, ou la moins, ça me dit déjà.